Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to Hear You, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas, au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 13. Intuition. Connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement, à l'expérience. Il y a des personnes comme ça que vous aimeriez rencontrer, puisque le destin insiste pour les faire apparaître dans vos conversations comme des pointillés du destin. Virginie et Émilie, beaucoup de créatrices et entrepreneuses m'ont incité à aller toquer à leur porte pour leur parler. Elles sont sensibles, drôles, passionnées. Les ingrédients nécessaires pour tout début de recette chez Nice to Hear You étaient réunis. Alors j'ai été toquée et j'ai franchi le pas de cette boutique-atelier située 6 rue de Gory, dans le 11e arrondissement à Paris. Virginie et Émilie, je connaissais leurs événements, leur compte Instagram, leurs livres, mais pas leur cœur magique. Comme un yin et un yang, ces deux femmes se complètent et forment une harmonie joyeuse qui donne envie de mémoriser cette jolie mélodie. Au cours de l'émission, je dis souvent que je me retrouve dans leurs propos. J'aime penser que mes invités peuvent être un fragment de miroir pour chacun de nous, chacune de nos peurs, de nos rêves, de nos blessures. Avec Virginie et Émilie, on a parlé de mystique, de bienveillance et de frise de papier peint. Très bonne écoute. Bonjour Virginie, bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah ouais, très bien. Et toi? Bah ça va bien, merci. C'est un immense plaisir que j'ai de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission et d'enregistrer au sein de votre chouette boutique atelier située dans le 11e arrondissement à Paris. Mm-hmm. L'univers clin d'œil, ça fait un moment que j'ai mon clic dessus car de nombreux talents participent à vos événements et font partie de vos sélections à la boutique comme tiens, tiens, tiens. Camille Vernier, de la marque Helmut Paris. Qu'on adore. Oui, que j'adore aussi, avec lequel j'avais animé une émission sur l'argent. Ou Amy Jones, créatrice de la marque Gen Z, avec qui j'avais aussi enregistré une émission sur l'identité cette fois. Clin d'œil, c'est donc un tourbillon d'émotions et d'inspiration, mais c'est surtout un concept à deux faces. Côté pile, Émilie, directrice artistique, et côté face, Virginie, qui s'occupe de la production et de la gestion de la boutique et des événements. Deux faces complémentaires reliées par plus qu'une appétence pour les défis et les jolies choses, puisque vous êtes aussi sœurs. Vous écrivez aussi sur vos supports, l'une rêveuse, l'autre fonceuse, toutes deux chineuses, raconteuses d'histoires, glaneuses d'objets sensibles, les voici maintenant rassembleuses de talents au sein de Clin d'œil, une idée grande comme une maison de famille. Mais d'ailleurs, de quoi allons-nous discuter dans cette nouvelle émission? Eh bien d'intuition, de cette petite voix douce qui nous inonde parfois nos pensées, de cette sensation irréfutable qui nous conduit dans une direction plutôt qu'une autre, et de cet instinct qui n'est pas toujours facile à appréhender. Personnellement, j'ai le pressentiment qu'on va passer un cool moment. Donc comme après chaque introduction, j'aimerais que vous partagiez avec nos auditeurs et auditrices la vision que vous avez de vous. Émilie, Virginie, quel genre d'humaine êtes-vous sur la planète? Je commence. Je pense. Après, c'est toujours dur de. Oui, c'est toujours très dur. Ouais. Mais que. Alors, c'est un mot très. Alors, j'en peux des mots compliqués là. Galvaudé. Enfin, que tout le monde utilise en ce moment, mais je pense que ça me caractérise quand même beaucoup. C'est la bienveillance. Okay. J'ai un côté maman. Mm-hmm. Je pense que les gens m'aiment beaucoup pour ça. Je suis très rassurante. Et je sais que j'ai ce petit truc-là. Et j'aime beaucoup les gens. Enfin, voilà. Je sais pas du tout. Donc moi, je suis... Tête brûlée. Ouais, non, moi, je suis stressée. Plutôt carré du coup, vu que plutôt tu t'occupes très de la production carré, et tout ça. Assez maniaque. Elle est sympa quand même. Hein. Je suis sympa, j'aime bien rigoler. Ouais, dans ta vie de tous les jours, comment les gens, toi, te voient? Est-ce que c'est de la même Mais façon? Je sais pas. Tu sais pas? J'ai un très gros problème avec le regard des autres, donc je ne sais pas. Je suis mystique, elle est gémeaux. Et elle est double. Elle a un côté... Sympa et pas sympa. c'est pas ça, mais je crois qu'elle aime beaucoup, beaucoup les gens, même trop. Et du coup... J'ai un peu le même côté qu'Emilie, on a un peu ce côté-là de... On est des éponges. Mmh. Voilà. Ah, je me reconnais bien là-dedans. On aime bien protéger les autres. Ouais. Oui, la protection, je pense que Virginie, ouais. C'est vraiment ça. Quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous étiez déjà un peu comme ça? Est-ce que vous aviez du flair, par exemple, aussi, vu qu'on parle d'intuition? Moi, Virginie. Ouais, vas-y. Moi, j'avais pas de l'intuition, quoi. Je sais pas si j'en avais, mais j'étais un peu la chef de gang. Mmh. Non mais vraiment, c'était la bande à Capman, c'était ça. Donc j'aimais bien avoir quand même un cercle autour de moi, un crew, et mener le truc. Après, je sais pas si je peux parler d'intuition. Non mais c'est vrai que t'as une espèce d'aura comme ça de fonceuse, quoi. Même dans vos études, par exemple, est-ce que dans vos choix... Moi, quand j'étais plus petite, plus j'ai grandi, plus j'avais des problèmes de confiance en moi, de... L'intuition, par exemple, c'est arrivé... Je crois que l'intuition, elle se travaille à deux, pour moi. C'est grâce à Émilie que je vais avoir cette intuition-là, mais sinon, toute seule... Et finalement, oui, moi, j'ai l'intuition, mais seule, je pourrais pas faire tout ce qu'on abat comme travail. C'est vraiment un duo... indissociable. Et donc toi, quand t'étais petite, t'étais... Ah, moi, j'ai toujours été la rêveuse, la... Moi, je voulais faire de la décoration d'intérieur, je faisais des dessins, des livres, je dessinais tout le temps. Je dessine plus que je lis. Enfin, j'ai vraiment un truc avec l'image et les couleurs, et la dyslexie. Et Virginie aussi, d'ailleurs, on s'en là-dessus. Enfin, on n'est pas du tout... Voilà, les mots, c'est compliqué pour nous. Et du coup, on est très dans quelque chose d'instinctif et d'intuitif. C'est vrai qu'il y a toujours eu des amis autour, et même dans notre famille, enfin, on n'est pas une grosse famille, mais on a un côté très clan, très soudés, très clan. Très clan. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, l'histoire de Clan, comme je disais plus tôt, c'est une aventure riche en challenges qui dure depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des moments clés de vos vies de femmes, d'entrepreneuses ou plus globalement d'humaines, où l'écoute de cette petite voix a changé significativement vos projets ? Que ce soit clin d'œil, mais peut-être avant aussi dans vos vies pro ou perso. Ouais. Parce que la première petite voix que j'ai entendue, c'est moi je travaillais chez Merci, ça faisait 6 ans que j'y étais. Et je pense que c'est là où tout a découlé. On avait déjà monté clin d'œil, mais ça a commencé à faire 6 ans, donc voilà, j'en avais marre. Et la petite voix, c'est j'ai réussi à partir de Merci et à lancer clin d'œil. Ça, c'est la petite voix que j'ai eue. Oui, toi, il y a eu un moment, un déclic. Il y a eu un déclic et je pense que c'était... Parce que c'est vrai que clin d'œil, avant que ça soit vraiment professionnel, enfin qu'on monte la marque, ça devienne un statut SAS, enfin tout ça, on faisait ça en plus de nos activités. C'était vraiment... Moi, j'étais freelance graphiste et Virginie travaillait chez Merci. C'était pour s'amuser, quoi. Je dis pas oui, pour s'amuser, c'était de toute façon, pour on passer a monté... un moment. Oui, c'est ça. C'était pour rassembler tous nos amis, tous nos coups de cœur, mais sans prétention. Enfin, on l'a toujours dit, c'est vraiment un aucune truc... Aucune prétention, oui. On le fait vraiment très instinctivement. Enfin, toute notre sélection, souvent, on demande comment vous faites, pourquoi ci, pourquoi ça, mais souvent, c'est des rencontres. Je pense que Camille, voilà, c'est des coups de cœur d'abord humains. Tous les gens avec qui on travaille, c'est des gens avec qui on s'entend. Et c'est d'ailleurs un de nos, on va dire, nos plus et nos moins. Enfin, le côté compliqué, c'est qu'on est beaucoup dans l'affectif, on est vraiment dans les bisounours. Et du coup, on est dans une économie aussi bisounours, quoi. Toi, est-ce que tu as eu aussi des moments aussi un peu déclic? Moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours été indépendante. Je crois que la société, être en CDI, tout ça, enfin, j'ai jamais réussi à rentrer dans une case. D'accord. Et du coup, à l'école, à la fin de vos études, c'était une évidence pour toi? Moi, j'ai fait Olivier de Serres en textile et j'ai fait un stage chez Robert Le Héros, qui était un designer textile et qui faisait aussi plein d'événements. Enfin, c'était une agence. Et c'est vrai que ça m'a donné goût tout de suite à... Enfin, j'ai pas voulu continuer les études, quoi. Et j'ai eu tout le temps des petites voix qui m'ont dit « Vas-y, fais ci, fais ça. » Enfin, je suis très... Dès que j'ai envie de faire quelque chose, j'y vais, quoi. Je me pose pas trop de questions. C'est chouette parce que c'est pas toujours facile. Enfin, même moi, je me dis, quand j'étais enfant, j'avais ce qu'on attendait de moi, ce que je voulais faire. Et puis après, j'ai essayé de faire un peu avec l'environnement dans lequel j'évoluais. Donc, quand j'étais plus petite, moi, je voulais être styliste. Et en fait, j'ai une maman et un frère qui dessinent très bien. Et moi, j'ai essayé genre 2-3 croquis de mon coin. Et je me rendais compte que tout de suite, je me suis dit, non, mais je suis nulle, c'est bon, laisse tomber, ça marchera pas. Et pourtant, la mode, c'est resté quand même toujours quelque chose que j'aimais. Donc, je l'ai fait pareil pour moi. Et puis, regarder un peu les magazines. Puis, il y a eu les blogs. Donc, c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. Et j'y suis revenue au fur et à mesure. Mais en écoutant, c'était évident. Et en même temps, pas toujours. Et j'ai fait, par exemple, à la fin de mon lycée, j'ai fait une fac de droit. Parce qu'on me disait... Aussi. C'est vrai. J'ai fait 3 mois. Ah, oui. J'ai fait 1 an. Ah, c'était douloureux. Mais j'ai été jusqu'au bout parce que tout le monde me disait « Mais vas-y, la fac de droit, t'es très scolaire, donc première année, ça va être génial. Il faut avaler du contenu, ça va être cool. » Et moi, je sortais d'une classe littéraire où je passais mon temps à parler, à lever la main, rentrer en... compliqué. Ouais, c'était les premiers temps, j'étais « Ah, donc en fait, on est 500, on dit rien, là ?» Et à un moment donné, je disais « Non, non, il faut que je fasse autre chose. » Et c'est pour ça que après, je suis revenue dans la com et le market. Et pourtant, en fin de terminale, je voulais être photographe. Et pareil, j'avais jamais touché un appareil photo de ma vie. Mais il y avait un truc comme ça qui me plaisait dans le côté plastique, dans le côté création. Et cette fois-ci, moi, ma petite voix, je l'ai étouffée parce que j'étais là, non, mais je voyais qu'il fallait. Ouais, je peux pas. Et je voyais qu'il fallait un peu des notions physique, chimie, parce que j'imagine un peu l'argentique. Moi, j'étais nulle, mais alors nulle. Et je me suis dit, bah non, je le fais pas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu des petits déclics aussi comme ça. Ouais, alors que nous, je pense qu'on est totalement. Enfin, j'ai quand même fait des études de design textile et de mise en page avant, mais on a un côté très autodidacte et très... on n'a pas confiance en nous, mais on essaye de faire les choses, on y va. Ouais, et on essaye de les faire bien, justement. Quand on n'a pas confiance en nous, on essaye d'être parfaite. Ouais. Voilà. On est même des fois trop parfaite. Ouais, parce qu'on est plus soi-même. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que du coup, c'est là d'où vient notre goût pour le DIY. C'est vraiment, c'est pas le côté épater les gens. C'est plutôt, ok, bon, on n'a pas grand-chose. Comment on va faire pour réaliser un truc sympa quand même avec pas grand-chose, un bout de papier. Et on est très récup aussi quand même. Enfin, on a toute cette culture, on consomme évidemment. Clin d'œil, c'est aussi bah, justement mettre en avant des petits créateurs, c'est ce qui nous intéresse. Sinon, on aurait monté une boutique de déco comme il y en a beaucoup, qu'on aime bien aussi. Mais l'idée, c'était vraiment le côté entrepreneuriat, enfin, fait main et faire du beau, du joli, quoi. Enfin, moi, ça, c'est un truc qui me touche. Ouais. Les définitions concernant ce phénomène ne manquent pas, surtout quand il s'agit de comprendre et d'appréhender cette sensation quasi mystique qu'est l'instinct. Il me semble que cette sensation partagée par tous se teinte pourtant d'une couleur propre à la personne qui l'accueille. Et j'aimerais que, même si on en a parlé un petit peu à l'instant, que vous nous expliquiez un peu plus comment vous appréhendez cette intuition. Elle prend quelle forme et vous l'avez domestiquée comment ? Moi, j'ai des paillettes dans les yeux. Enfin, je sens vraiment physiquement, ça me transcende, quoi. Je sens qu'il faut qu'on aille vers ça. Et souvent, je suis un peu, ça vient tout seul. Et Virginie, elle est là, oh là, elle freine des quatre. Ouais, moi, je crois que c'est plutôt l'angoisse qui monte. Oui, elle, c'est l'inverse. Moi, c'est l'angoisse. Mais c'est quand même, du coup, tu sens qu'il y a un truc à faire. Ah bah oui, c'est ça. Mais ça la submerge. Moi, c'est plutôt l'excitation. Et tout de suite, j'ai plein d'images, des couleurs qui me viennent. Enfin, c'est vraiment, c'est abstrait, mais c'est ça dans ma tête. Et oui, c'est plutôt cool. Hein. Mais c'est plutôt cool. Moi, c'est moins cool. Ouais, après, j'ai des angoisses aussi. Hein. Enfin, oui, bien sûr. voilà, par pic. Enfin, mais quand même, j'ai un truc, je suis dans une bulle, quoi. J'avoue, je suis dans une bulle que j'entretiens. Bah oui, et puis je pense que peut-être que c'est pour tout le monde un peu les deux. Qu'il y a aussi, même quand on a de l'excitation, il y arrive toujours peut-être un deuxième moment où on se dit, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas ? Mais souvent, on a déjà commencé, c'est trop tard. Voilà. Là, typiquement, la boutique, on est très content. On a lancé un crowdfunding, du coup, pour s'agrandir, parce qu'il y avait le local du docteur à côté qui se libérait. Bon, on a quand même mis du temps, parce qu'on l'a su, ça faisait quoi, peut-être un an déjà, qu'on savait qu'elle allait partir. Au début, on s'est dit, oh, ce serait super. Puis finalement, on est revenu sur nos. C'est surtout moi qui revenais sur la décision à chaque fois. Mais moi, dans ma tête, je savais qu'on allait le faire. Enfin, j'ai des visions. Enfin, c'est le yin et le yang. Il y a la rêveuse et moi, je fais des stop. Mais moi, j'ai des visions. Je me vois dans le lieu, je vois comment le lieu. Ouais, ouais, non, mais je me retrouve un peu dans vos deux profils. Parce que c'est vrai que j'ai aussi ce côté très imaginaire où quand je vois quelqu'un, j'invente des histoires. Quand je vois des lieux aussi, je visualise. Et en même temps, j'essaye d'avoir toujours un peu les pieds sur terre parce que j'ai aussi ce côté un peu rationnel et qui, malgré tout, même si on veut des fois le gommer, fait aussi du bien et évite bien de se faire trop peur parce que parfois on voit bien que la réalité colle pas avec nos envies. Et Virginie, c'est mon garde-fou. De toute façon, du coup, ça me permet d'aller plus loin, moi, dans mes fantasmes. Ça motive aussi parce que du coup, il y a un ancrage qui permet de concrétiser aussi les rêves. Complètement. Et si Clin d'œil n'avait pas été une histoire un peu coup de cœur, coup de tête et coup de soi, ça aurait été quoi aujourd'hui ? Vous seriez qui ? Je vois pas autre chose non plus. Moi, je serais restée chez Merci, je pense. Et encore. C'était une évidence. Ouais, pour moi, c'est une évidence, c'est une suite logique. Après, on n'est pas du tout dans une projection. Enfin, je sais pas toi, Virginie, mais à long terme, on sait pas où on sera. Ouais, on est vraiment dans l'instant. Après, il y a un côté dangerous. Je pense qu'on est très intranquille, en fait. Je pense que c'est un mot aussi qui nous définit bien. Ouais. D'accord. Mais c'est notre moteur aussi. Enfin, il y a un truc comme ça de. Mais on n'a pas de projection, enfin voilà. C'est vraiment. Vous dites on en a des rêves. Oui, mais... bah si, oui. Vas-y, dans non, mais par exemple, ouvrir au Japon, ça serait mon rêve, moi. D'accord. Moi aussi. Peut-être même avoir d'autres boutiques ou de... Et de, d'employer des gens, ça serait... Pour oui, moi, quand ça même. Pour, en vraiment, pour la société, d'employer des gens, ça serait une réussite pour nous aussi. Mais oui, on a plein de... je pense qu'on a plein de rêves. Mais on va essayer de les atteindre. Oui. On va essayer. Mais après, c'est comme tout. C'est... Parfois, il faut aussi apprendre à laisser du temps au temps. C'est ça, exactement. Et c'est dur. Parce que je pense qu'on vit aussi une société où tout va vite. Exactement. Et donc, par exemple, l'exemple typique, c'est les iPhones. Ils sortent plus vite des iPhones qu'ils en sortent d'idées. Et donc, on a aussi envie parfois de se caler un peu à ce rythme un peu effréné sur les réseaux sociaux. On nous demande aussi à beaucoup de contenu. Il faut s'adapter. Ça, c'est vrai. Et c'est dur parfois aussi de se dire, mais moi, j'aimerais que ça aille plus vite. J'aimerais que demain, voilà, il se passe telle chose. On se fait un peu des échéanciers. Et pourtant, ben, on reste des humains en fait, on n'est pas des robots et c'est dur. Je pense qu'il faut se mettre des objectifs, justement, comme là, nous on se dit, bah, ça serait super peut-être d'ouvrir une boutique au Japon, d'ouvrir d'autres boutiques, d'employer des gens. Après, il faut avoir conscience, et je pense que là c'est bien, on va en profiter pour le redire, que clin d'œil, alors ça fait 5 ans que c'est clin d'œil, mais en fait avant on avait déjà un autre événement. Donc ça fait 8 ans en fait qu'on entretient, qu'on développe un réseau sans le vouloir, mais qui grossit. Et en fait, ça prend du temps. La confiance avec les créateurs, le fait maintenant d'avoir des partenaires qui nous suivent, qui nous accompagnent sur des projets, ça se fait pas comme ça. C'est pas, enfin, ah oui, il non, faut du c'est temps. Sûr, ouais. Ça c'est clair qu'il faut du temps. Il faut quand même être patient et pas lâcher. Il faut jamais lâcher. Non. Mais c'est ça qui est pas facile, parce que c'est vrai que peu importe les projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, c'est pas toujours chose aisée de faire la paix avec ses échecs, par exemple. Et est-ce que pour vous, quand ceci résulte de l'écoute de l'intuition, les échecs sont plus amers à digérer que si on n'avait pas écouté son intuition, et du coup on peut se rattacher au fait de se dire, bon bah, si on s'était écouté, ça se serait pas passé comme ça. Pour moi, c'est jamais un échec. Ouais, c'est toujours formateur. Bah oui, on apprend avec nos erreurs. Quoi, c'est... Complètement. Votre façon de fonctionner, du coup, c'est les échecs sont toujours des leçons, et peut-être aussi parce que vous écoutez beaucoup votre instinct. Ça vous est déjà arrivé de pas écouter votre instinct et de regretter? Non, franchement, j'ai pas de regrets, que ce soit dans la vie personnelle, enfin amoureuse et tout, même. Non, je pense que ça construit. J'entends aussi beaucoup de personnes que je peux rencontrer, que ce soit des entrepreneurs, des créateurs, qui parfois s'obligent, mais vont à l'encontre un peu de ça, tentent quelque chose, et du coup après ça se passe pas forcément toujours comme ce que voilà, on en aurait projeté, et c'est pas toujours facile. En fait, après. C'est parce que je pense aussi qu'on est dans une démarche ultra sincère, ça revient en côté bisounours et affectif, on est vraiment dans quelque chose qui nous tient à cœur, qui, comment dire, on se voit pas faire autre chose parce que ça fait partie de nous, on s'est pas mis un business model. On se force pas à des choses qu'on veut pas faire, en fait. Enfin, on s'écoute, ouais. On pourrait, si on rate... On pourrait avoir des partenaires financiers, mais on n'a pas envie, quoi. Mm-hmm. On pourrait avoir des choses, mais on n'a pas envie. On a envie de les faire nous-mêmes. Parce que ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas, ça ne correspond pas à l'image. Et puis, en fait, moi, je suis assez... je sais pas, c'est le mot cartésien. Enfin, je suis bizarre, je suis mystique, et en même temps, je fais confiance à la vie. Ça ne doit pas se faire. Enfin, Là, on avait des projets un peu plus gros, avec des grosses marques, parce que ça y est, ils commencent à s'intéresser à nous, les petits. Mm-hmm. Et bah, on essaye de jouer le jeu, de leur montrer qu'on est carré. Et voilà, bah, il y a des choses qui s'annulent au dernier moment. Et... Mmh. Alors, sur le coup, on se dit, typiquement, oui, voilà, peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire parce que de toute façon, ça ne nous correspond pas. Mais finalement, c'est formateur parce que ça m'a appris justement à poser plus de règles, à être plus ferme et peut-être moins bisounours sur l'approche qu'on a du business. Parce que c'est un mot qu'on n'aime pas, mais en fait, malgré tout, on a des charges à payer. En fait, c'est ça, il y a quand même. Enfin, on essaye d'enrober tout ça, de faire les choses bien, mais derrière, il y a quand même une vraie économie, on a un comptable. Y a... Voilà, c'est pas que du enjeux. Plaisir, quand même. L'intuition, quand on se lance dans un projet, est-ce que parfois, pour vous, même si cette certitude résonne dans tout notre corps, il faut savoir l'étouffer, justement pour revenir à ce côté un peu pratique et rationnel? Ou est-ce qu'il faut toujours aller, pour vous, enfin, peut-être personnellement, est-ce que vous dites toujours qu'il faut écouter l'intuition et y aller coûte que coûte? Ouais. Moi, je pense qu'il faut y aller, mais il faut quand même se poser, réfléchir, enfin s'entourer. En fait, il faut s'entourer quand même, il faut parler avec les gens, il faut pas foncer tête baissée. Nous, on a la chance d'être un duo, en plus d'être sœurs, donc il y a une confiance. Enfin, la confiance, elle est. On se pose pas la question, quoi. On se fait confiance. Non, puis on est déjà entouré, on a le clin qui nous a entourés, et c'est grâce à eux aussi qu'on est encore là, parce qu'on a plusieurs fois voulu arrêter. Mais le clin, c'est nos amis, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui nous soutiennent. Qui est là, et notre famille, nos copains. Nos copains, on n'en parle pas assez, mais eux, ils vivent aussi clin d'œil. Hein. Oui, Léo vit clin d'œil à fond. C'est une petite dédicace parce qu'hier, on s'est engueulés donc à cause de ça. Et donc. Il travaillera avec moi pour clin d'œil, mais ça coûte que coûte de toute façon. L'aventure, c'est vrai que quand on consacre une partie de sa vie à des projets aussi importants, ça déteint forcément sur le reste en fait. Et c'est peut-être plus forcément fort que nous. C'est ça, ah, bien sûr. Et c'est vrai que c'est à la fois grisant parce que c'est hyper. Enfin, ça nous nourrit et en même temps, parfois, c'est un peu accablant. Enfin, pour parler par exemple de mon expérience personnelle. Je fais donc ce podcast et puis à côté de ça donc j'ai des travaux aussi en freelance, mais c'est vrai que parfois ça me donne plein d'énergie, je sais pourquoi je me lève le matin et je suis trop contente, mais des fois ça j'étouffe, enfin j'ai un peu la tête sous l'eau. On te rassure nous aussi il y a pas très longtemps et c'est ça, et en fait des fois t'es là, ah, j'arrive plus à respirer, j'ai trop d'idées qui viennent trop vite dans ma tête, mon cerveau il est trop petit, ouais, en fait j'ai l'impression que c'est une petite prison pour mes idées, ça se connecte plus, ouais c'est ça, il y a une espèce de cafouillage et il faut apprendre parfois à se faire violence et se dire bon ok, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, tant pis, il faut y aller avec, et puis demain il faudra essayer de se recentrer un peu et de retrouver pourquoi on fait tout ça. Mais c'est vrai que c'est des aventures tellement enrichissantes et un peu aussi, enfin même toujours uniques, que c'est vrai que c'est chouette de se créer un petit réseau et de trouver des gens avec qui on va pouvoir comprendre, enfin qui vont comprendre aussi la réalité dans laquelle on vit. Bah là toujours. Du coup avec les créateurs on est dans les mêmes économies, hein. ils savent que voilà, nous on a beau avoir une grande communauté sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde qui nous suit, on reste dans une petite économie, c'est vraiment des petits créateurs, donc des petits prix, nous on fait très peu de marge parce que l'idée c'est que les gens découvrent ces créateurs, enfin qu'on soit pas hors de prix, mais du coup c'est vrai qu'on le savait en montant, enfin en allant plus loin dans l'aventure clin d'œil, en devenant vraiment une entreprise, que ça serait compliqué, qu'il fallait qu'on continue de faire des choses à côté, et pour rien te cacher, moi je continue d'être freelance aussi, je fais des couvertures de livres, mise en page de livres, des illustrations. Moi, je fais des prestats de déco à côté. Voilà. Ouais, mais c'est une économie, il faut que ce soit circulaire, en fait, parce que en fait, ça peut pas. Et c'est ça que j'aime bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs aussi qui interviennent dans le podcast, ou des entrepreneurs, et des entrepreneuses surtout d'ailleurs. Parce que parfois, sur les réseaux sociaux, il y a une image qui est renvoyée qui est très, très chouette, parce que c'est, comme vous le disiez plus tôt, il y a plein de gens qui vous suivent et qui se déplacent et qui viennent vous rencontrer à la boutique. Et en même temps, c'est aussi chouette que tout le monde ait bien en tête les enjeux qu'il y a derrière et le travail. Ouais. Parce que faire une curation de créateurs, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est des rencontres. C'est plein de bonheur, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de travail. Ouais, derrière. C'est ça. Quand même. Et puis, vous avez fait un livre aussi. Et oui, il a un an. Joyeux anniversaire. Et du coup, un projet qui a pris aussi beaucoup de temps et de travail, j'imagine. Complètement, c'est quasiment comme un bébé, 9 mois de travail. Après, on s'est bien entouré. De toute façon, dans tout ce qu'on fait, on travaille qu'avec des gens avec qui on s'entend bien. Oui, on a eu la chance de pouvoir être libre dans la sélection des personnes qui allaient travailler avec nous. En fait, on a vraiment eu la main sur tout le projet, que ce soit la maquette, le contenu, la photographe. C'était vraiment hyper plaisant parce qu'on a pu le modeler vraiment comme on voulait. Ça rentrait pas dans une collection, en fait. Et donc on a travaillé avec Céline Sabi, qui est une photographe qu'on adore, et puis tous les créateurs, nos créateurs un peu, enfin je dis chouchou, avec qui on est vraiment devenus amis, donc, parce qu'on savait que ça serait un gros travail quand même, et ils ont joué le jeu et c'est super. Et l'idée c'est qu'on voulait que ça soit un livre de DIY, ok, ça il y en a déjà qui existent, mais là on le voulait inspirant et pas déculpabilisant, je trouve pas le mot, mais voilà, faites avec vos mains, enfin, n'ayez pas peur, prenez, mélangez les couleurs, faites-vous plaisir. Mais c'est à la portée de tout le monde, en fait. C'est ça, exactement. C'est pas des DIY révolutionnaires, c'est plutôt des choses assez simples, mais... Et puis, aussi, l'idée, c'est de découvrir un petit peu les créateurs, donc il y a un portrait à chaque fois, et des DIY proposés, voilà. Et pour revenir juste un petit peu sur l'intuition... L'intuition nous apparaît parfois comme un don réservé à une élite d'intellectuels et d'artistes érudits, alors qu'elle est, je trouve, à la portée de tout individu. La question que j'ai envie de vous poser est donc la suivante. Écouter son instinct, ça se fabrique, ça s'apprend, ça se travaille ou ça s'invente ? Pour moi, c'est inné, l'intuition. C'est juste qu'on l'écoute ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que, c'est pas le mot travail, mais ça... Ou ça s'invente, peut-être. peut-être ça le mot. Je pense qu'on l'a tous, mais après, chacun doit l'apprivoiser. Et... Ouais. Mais bon, ça, ça veut dire s'écouter, quoi, quand même, à la base. Enfin, je pense qu'il faut... Donc ça passe aussi par un travail de connaissance de soi. Je pense, ouais. Ouais. Est-ce que, du coup, ça, ça expliquerait aussi pourquoi, quand on est enfant, on a un instinct, entre guillemets, moins développé ou moins sensible ? Et que finalement, enfin, au vu de vos parcours, et puis même de miens, et puis d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, finalement, on a vraiment de l'instinct quand on est un peu plus adulte, parce qu'on arrive un peu plus à comprendre le monde qui nous entoure. Enfin, est-ce que vous, dans vos expériences, ça c'est un peu... Toi qui es un enfant, Émilie. Raoul. Non, je sais pas, moi j'aurais peut-être dit l'inverse. C'est bizarre, hein, mais je suis dyslexique, donc peut-être que c'est mon cerveau qui... par rapport à son super coloriage. C'est qu'après, il t'a prouvé, tu vois, maman. Tu vois, maman, c'est bien ce que j'ai choisi. Ah, il a suivi son intuition. Oui. Bon, il a suivi aussi oui, complètement. Bah oui, ça, c'est clair qu'on monoprime. Il a plein d'intuitions. Je pense qu'on en a des... Moi, je pense qu'on en a des petits, en fait. Hein. Justement, je pense que petit, on l'a plus souvent. Enfin, on l'écoute plus souvent. Et qu'on... On fait moins attention aux pressions extérieures, en fait. Je pense. Et à mon avis, enfin... Moi, oui, j'essaye de travailler ça. Je pense qu'il y a un truc très lié à l'enfant, justement, d'écouter un peu le ressenti qu'on a. Enfin, là, voilà, quand la médecin, par exemple, à côté, nous a dit « je vais quitter le local », tu vois, rien que d'en reparler, tu vois, j'ai les étoiles dans les yeux. Elle arrive à appliquer ses intuitions, peut-être moins. Oui, mais... C'est de savoir les appliquer. Oui, c'est... Virginie, elle s'écoute pas, elle fait. Ah, tu vois. Okay. C'est bien. Elle écoute pas. Enfin, c'est ce que je ressens après, je suis pas dans toi, mais je pense qu'elle a sa petite voix, mais elle a une façon de la travailler en faisant les choses. Je sais pas si c'est bien, tu make things happen, tu fais les choses arriver en fait. Ah, mais complètement. Parce que écouter son intuition, mais ne jamais mettre les actions en lien avec ses idées, finalement c'est aussi dommage. En plus, elle a la force pour le faire. C'est-à-dire que moi je peux avoir l'intuition et je vais mettre en route le truc, mais Virginie elle va déboîter quoi. En deux minutes, le mur il est peint. Elle est très astucieuse, très organisée. Alors que moi, je vais avoir le truc, mais je vais commencer, je vais partir sur autre chose, je vais continuer, je vais le faire, mais oui, on est un peu hyperactifs toutes les deux, enfin, on fait plein de choses, mais... De façon différente. Ouais, Et c'est pour ça que ça marche si bien. Bien sûr, c'est ça. Dans vos moments de doute ou de blackout inspirationnel, est-ce que vous avez des astuces ou des supports pour vous reconnecter à vos idées? Par rapport à clin d'œil ? Par rapport à clin d'œil ou même dans vos vies en général, que ce soit lire un bouquin, regarder un film, aller dans un resto. Moi, par rapport à clin d'œil, c'est le clin, je crois. D'accord. J'ai l'impression que quand on fait nos réunions, parce qu'on fait de quelques réunions apéro, et je trouve que ça me remotive. Cette ressource. Ouais. Ça me ressource, ça me... C'est comme des petits brainstorming, en fait. Donc ça, c'est... Et après, sinon, c'est mon iPhone. J'ai une super application coloriage en ce moment, je suis accro. Et moi, non, c'est plus mon petit garçon. D'accord. Je suis hyper connectée. Mon chat aussi, Jacob. Non, moi, du coup, quand j'ai des doutes ou je me dis pourquoi je mange des pâtes tous les soirs, parce que c'est quand même ça par moment, on se dit pourquoi on fait ça, est-ce que ça a du sens? Finalement, oui, quand je vois tout ce que je peux transmettre à Raoul et aux gens, enfin, ce côté transmission, en fait. Il y a un truc aussi là-dedans de répondre. Les retours. Je pense qu'il y a un côté... Enfin, justement, je réfléchis souvent à ça. Je me dis, est-ce que c'est juste égoïste, cette petite bulle-là que je suis en train de faire, ou est-ce que... En tout cas, il y a un truc d'envie de partager, de faire du beau. Je redis ce truc-là. Il y a un truc vraiment dans le côté esthétique, pas... J'aime pas le mot esthétique, mais beau. Enfin, beau pour les yeux. Du coup, ça fait du beau pour le cœur. Enfin, il y a un truc... C'est tellement dur, la vie. Oui, c'est vrai. En fait, on est tellement des éponges. Moi, j'ai besoin d'être dans du... Non, mais je me retrouve vachement dans vos portraits. C'est assez rigolo parce que c'est vrai que je pense qu'on est des hypersensibles. Après, on l'exprime de manière différente. On le cache beaucoup aussi. Mais parce que je pense qu'on apprend aussi un peu à se protéger d'une certaine façon avec le temps. Et que oui, moi aussi, des fois, je me dis que je sauve pas le monde. Enfin, j'aimerais bien sauver le monde et avoir un impact plus positif. Après, à mon échelle, je me dis que aller rencontrer des gens, les retours qu'on peut avoir avec le podcast de personnes qui me disent « Ah non, mais c'est chouette d'avoir entendu des personnes témoigner sur tel sujet, ça m'a fait du bien. » je me dis que bon bah pour le moment j'ai pas encore trouvé la solution pour réduire la misère dans le monde, mais qu'à mon niveau si ça peut apporter un petit peu de joie, c'est déjà ça ouais. Complètement que, je pense qu'on pense exactement la même chose. c'est vraiment ça, c'est voilà, à notre niveau c'est quand même un engagement. Oui, on va pas faire les manifs, on n'est pas inscrite à un parti politique, mais par contre on essaye de donner du sens. C'est vraiment ça, c'est sincère et ça a du sens. Enfin, c'est, on n'est pas là à essayer de mettre, se dire on fait du made in France ou du bio ou je sais pas quoi, je mange un peu bio, je mange un peu des knackis avec Virginie, mais on essaye d'avoir conscience des choses, de faire un peu attention, et ces créateurs on les met en avant parce que on croit en eux et que oui, la société de consommation, il y a une espèce de non-sens global. Du coup voilà, à notre échelle on essaye de redonner du sens, de recréer des liens, d'échanger, de partager et... Moi c'était ça aussi qui motivait le fait de plus être en entreprise, parce que j'ai bossé en agence aussi, et là pour le coup j'avais vraiment l'impression de, je savais mon travail, mais j'avais vraiment l'impression que c'était vide de sens. Je me le levais le matin, ça me faisait plaisir, mais souvent je me disais mais pourquoi je me mets la rate au courbouillon pour rendre tel projet, pour travailler pour tel client, au demeurant un projet très intéressant, mais j'avais pas ce côté je sais pourquoi je le fais. J'étais juste là parce qu'à l'époque un CDI c'était plus confortable pour moi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui effectivement parfois face à des doutes on est là ok, c'est sympa la vie de freelance, c'est cool, c'est des montagnes russes. Oui voilà, c'est des montagnes russes émotionnelles, mais fondamentalement je me dis bon je l'ai choisi déjà. Après ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer d'avis. Mais je me dis bon je le fais et c'est moi en ligne de front, et du coup si ça ne tient qu'à moi, il y a un environnement aussi, mais voilà, pour faire les choses avancer, vas-y ma fille quoi, il faut le faire. Et moi je vois pas d'autre façon de fonctionner, en fait dans ma tête c'est comme ça, mais je pense depuis que je travaille, je suis freelance et là je me dis, mais c'est vrai que quand je me projette dans mes moments down un peu, je me dis si un jour il faut que je refasse un boulot en agence, mais je sais pas si j'y arriverai, mais vraiment je sais pas, le côté d'avoir des règles, d'être en fait je suis devenue sauvage quelque part. Je sais pas toi, mais maintenant que t'as goûté, moi j'aurais pas tu peur, verrais, je pense, le cadre, mais toi t'aimes bien le côté cadré mais... c'est ça, avec une certaine liberté. Exactement, mais c'est ce que j'avais aussi chez Merci, donc c'est pour ça que ça marchait bien. Donc pour clôturer, je vous propose quelques petites rapid fire questions, la première étant: un créateur ou une créatrice, coup de cœur d'ici ou d'ailleurs? On en connaît tellement là, c'est compliqué. Et moi, je vais en dire un que je connais pas. Liké ce matin sur Instagram. Alors attends, est-ce qu'il faut que j'enlève le mode avion? Moi, je dirais Donna Wilson. Ok. Ah, voilà. Et elle fait quoi? C'est une créatrice anglaise dont on est fan et qui justement est dans un... Elle s'est créé totalement un univers avec des personnages. Elle travaille surtout tout ce qui est tricot et voilà, elle a un univers bien à elle. Est-ce qu'elle est anglaise? Ouais. Oui, elle est anglaise. Moi je sais pas du tout, il y en a tellement. Et je trouve qu'elle a mené son univers et elle arrive à développer et continuer à proposer des nouvelles choses. Je trouve que ça résume bien ce que j'aime, en tout cas. Enfin voilà, okay. Côté, c'est un peu naïf, faut aller voir. Ça sera mis dans les liens de l'émission. Moi je parlerai du baigneur, je trouve qu'on en parle pas assez. C'est Fabien qui a monté sa marque de savon il y a un petit moment, mais de produits pour la barbe, pour les hommes, et qui a fait ça, qui fabriquait à Montreuil, et qui là va ouvrir sa boutique dans le 11e rue de la Folie Mérécourt. Boutique atelier, et je crois qu'il s'est battu pendant un an pour ouvrir cette boutique là, et je sais pas, et puis je l'aime bien, et ça fait plaisir de parler d'un homme aussi dans la création. C'est vrai. Il y a beaucoup d'hommes aussi. Allez, je les pense, mecs, au boulot. Mais c'est vrai que non, le baigneur, la marque de baigneur. Une peur qu'il faut réussir à surmonter dans la vie, pro perso, un truc que vous êtes... Peur de l'échec, ça sert à rien. Je pense que c'est une perte de temps. Non mais vraiment, après ça paraît peut-être facile de dire, je sais pas, mais je... Je sais pas si c'est le côté, alors je vais faire une petite boucle parce qu'on l'a pas dit, mais notre maman, comme ça on parle de tout le monde, elle est anglaise en fait. On a des origines anglo-saxonnes. On parle pas anglais par contre. Voilà. On le dit parce que... On dit tout de suite que quand on nous colle après la... Mais par contre je pense On aurait dû faire le podcast en anglais. Non mais du coup je pense que le côté, alors je sais pas pourquoi j'ai digressé comme ça, mais c'est pas grave, je vais aller au bout de mon truc. Le côté des objets, pourquoi on n'est pas dans la mode, souvent on nous dit pourquoi vous faites pas du vêtement. Nous, notre ADN c'est les objets, les petits beaux windows où t'as des, plein de petites céramiques, le côté Laura Ashley. Les cartes postales aussi. Les cartes postales, nos chambres, c'était le coussin qui va avec le rideau, le papier peint. Enfin, tu vois, on a la frise. Ouais, la frise. Ah, moi j'ai vu ça aussi, mais c'était Mulan. Alors je pense que c'était Laura Ashley avec des brochettes. Fleur anglaise. Donc bon, évidemment, c'est pas du tout ce qu'on retrouve ici, mais quand même, la culture de l'objet qui a du sens, ce côté. Enfin, en tout cas, je pense que nos parents nous ont transmis ça, ils nous ont fait confiance quand même assez vite. Ouais. Enfin, moi, ils m'ont toujours. Ok, tu faire des études d'art, ok, bon, on y va. Enfin, et puis c'est pas grave, et je sais pas, il y a. C'est pas ils du tout quelque chose qu'on a. En tout cas. Ouais, je sais pas si c'est le côté flemme, c'est peut-être ça, flemme anglo-saxon, enfin, notre mère, elle est très. That's life, quoi, enfin. Ouais. C'est ok, cool. Ça se passe comme ça, et je pense qu'on a quand même béni là-dedans. Alors, on est déstressé, même parce que ça, c'est le côté sensible, mais on y va, quoi. Et moi, je me souviens plus de la question. Une peur qu'il faut réussir à surmonter. J'étais loin. T'as été loin. Le regard des autres, moi, je dirais. Moi, j'ai un gros problème là-dessus. Et que t'arrives à moduler un peu. Pas du tout. Pas du tout. Donc ça, c'est ma thérapie, en fait. Non, c'est... Mais c'est dur parce que je pense que même si on a ce côté « je m'en fous, je fais ce que je veux », on le fait avec des gens. Enfin, on vit dans un monde entouré de gens. Ouais. Et que du coup, on a envie de paraître brillant, sympa, beau, extraordinaire aux yeux de tout le monde. Mais parfois, c'est pas le cas et c'est pas facile. Et je pense qu'il faudrait s'en foutre, mais j'y arrive pas. Ouais, c'est... Ta to-do list. C'est ma to-do list. Exactement de ça. De la semaine. Une folie à rajouter sur sa bucket list. Moi, j'ai une grosse folie, j'ai envie d'ouvrir une ferme. Où ça? Je sais pas. En Bourgogne. Et moi, je sais pas, ce serait quoi? Bon, là, c'est partir. Mais là, j'ai vraiment besoin de vacances. partir au soleil. Dans un Club Med? Non, pas du tout. Non, en Grèce. Mais c'est pas très folie, mais... Ah, mais c'est une petite folie qui fait du bien. Enfin, toi aussi, j'aimerais bien la me dire. Sinon, on ouvre une ferme en Grèce. Pourquoi pas? Votre safe place pour prendre une décision? Moi, je crois que c'est ici. L'atelier? Enfin, la boutique. Ouais. Oui, je pense aussi, ouais. Bah, on prend toutes les décisions. En général, on prend beaucoup de décisions ici, par rapport à Clin d'œil. Bah, en fait, on travaille tout le temps ensemble, donc on s'appelle très peu, quoique du moins parce que ça s'appelle quand même, mais oui, c'est ici quand même le lieu. Et pour finir, une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices. Moi, je dis faut pas lâcher, parce qu'on va y arriver, en fait. Et je vais dire, fais-toi plaisir. Mais non, mais il y a un côté... keep down, quoi, enfin... Slow life. Enfin, non, mais pourtant, je suis hyper... Moi, il faut que je fasse du yoga tout le temps pour justement bien respirer. Mais justement, ouais, juste profiter des fois, un peu se déconnecter. Même si, tu vois, moi, j'ai tout le temps mon téléphone, c'est moi qui fais les réseaux sociaux de clin d'œil. Des fois, juste regarder le ciel et se dire, putain, c'est quand même cool, c'est beau. C'est... Ouais, quand même. Tu vois, la fonceuse et la rêveuse. C'est ça, ouais, exactement. Ouais, lâchez rien, vous allez y arriver. Elle. Non, mais juste se dire que, c'est... Oui, quand même, se réjouir des petites choses, quoi. Tu vois, Raoul, ce matin, il nous a fait une grosse colère. « Ah, tu veux pas m'habiller, je veux pas. » Et Axel, mon copain, était complètement dépité. Il me disait « On va jamais arriver. » Moi, je disais « Keep down, dans 2 secondes, c'est fini. » Et c'était fini. Et après, c'était « Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. On va à l'école. » Je veux bien m'habiller. Ouais, moi, j'essaye de prendre du recul sur « C'est pas grave, quoi. » Je trouve que c'est une belle façon. Maintenant, Raoul, il dit tout le temps « C'est pas grave, maman. » C'est vrai. « C'est pas grave. » Oui. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Virginie et Émilie, merci pour ce doux moment. Partagez vos doutes, vos rires et votre intuition avec nous. Fut un bien joli cadeau. Retrouvez toutes les informations de l'émission ainsi que les photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefilledérable.com. Si l'émission vous a plu, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes et abonnez-vous à l'émission sur SoundCloud, Stitcher ou Deezer. Bisous sur vos petits tympans et à très vite.